Comment l'été peut-il durer encore? Et les gens rient autour de moi en laissant éclater leur joie. Quand j'ai si mal, quand j'ai si mal, quand j'ai si mal. Oui. Comment l'oiseau peut-il encore chanter dans la lumière du jour? Puisqu'aujourd'hui mon cœur est mort et que sont morts de mes amours. Et que j'ai mal, et que j'ai mal, et que j'ai mal. Comment demain peut-il venir quand demain ne veut plus rien dire? Puisqu'aujourd'hui je t'ai perdu et que toi tu ne m'aimes plus. Et que j'ai mal, et que j'ai mal. Dormir tranquille quand je ne peux fermer les yeux. Que je vais triste et malheureuse dans le désert de cette ville. À que j'ai mal, à que j'ai mal, à que j'ai mal. Comment penser que je pourrais trouver l'oubli dans d'autres bras? Comment saurais-je encore aimer et me guérir enfin de toi? Quand j'ai si mal, quand j'ai si mal. Quand j'ai si mal, quand j'ai si mal. Comment chanter, comment sourire, comment danser?